Allô, c'est moi, Edgar. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Fulvio Spagnoli. Allô, c'est moi, Edgar. Par Suzanne Chevreau. Quelle drôle de chose que l'existence. À quoi tient sa tranquillité, sa douceur? À un fil. Pour moi, un fil téléphonique. Il y a une demi-heure encore, j'avais un ami. Un ami unique, qui me chérissait comme un frère. Toutes les lois les plus élémentaires de la reconnaissance m'attachaient à lui. Enfant, je lui empruntais ses billes. Jeune homme, ses maîtresses. Et plus tard, par la force de l'habitude, sa femme. Quant à l'argent, nous ne comptions pas entre amis, n'est-ce pas? Quand je n'avais pas de monnaie sur moi, pour ne pas changer, Flampin me passait fréquemment un billet de 500 ou 2000. Quelques jours après, j'allais dans un bazar et je me faisais un véritable plaisir. Que dis-je? Un devoir de lui offrir un album de cartes postales, un bougeoir ou quelques bibelots de bon goût. J'ai toujours été délicat. Mon vieux Flampin. Il s'appelle Flampin. Journellement, je m'asseyais à sa table entre lui et Olympe. Sa notre femme. Quelle charmante intimité. Jamais un nuage, vous m'entendez? Pendant 3 ans, pas le plus petit nuage. Les vrais exquis, les plus fins morceaux m'étaient réservés. J'avais ma boîte à cigares choisie, à gauche sur la cheminée. Chère petite boîte, va. Par exemple, j'offrais le dessert et j'avais toujours quelques petites chatteries sur moi. Et c'était des exclamations. Oh, Edgar! Edgar, c'est moi. Comme c'est bon! Disait Olympe. Flampin renchérissait. Ma femme a raison. Il n'y a que toi. Enfin, nous étions heureux tous les trois. Et puis, quelle liberté! Quelle sécurité! Flampin, toujours dehors. Il est l'inventeur breveté d'un engin de guerre étonnant et détonnant, qui n'a qu'un défaut. Il marche trop bien. Il réduit à l'état de farine les deux camps à la fois, de sorte que lorsqu'il n'y avait plus personne, cela suscitait des difficultés diplomatiques pour reconnaître le vainqueur et le vaincu. Flampin travaillait donc aux retouches nécessaires et soucieux de ne pas laisser sa femme seule, il me la confiait. Ce matin, justement, en voyant le soleil s'établir en maître dans ma chambre, j'eus l'idée de téléphoner à Olympe pour l'emmener à la campagne. Je croyais l'ami Flampin parti depuis longtemps à son laboratoire. Allô, dis-je, c'est moi, Edgar, ton chou. Pendant que ton ami analyse ses cornues, si nous allions tous deux voir fleurir les lilas. Là-dessus, douce hilarité de ma part, hélas, vite interrompue par un organe mâle, l'organe de Flampin. Une basse. Monsieur, je vais vous faire passer un sabre au travers du corps. Oui, un sabre. Le sabre de mon. De ton père, lui criai-je, énervé. Mais il était charcutier, tu veux dire un lardoir. Et puis d'ailleurs, ajoutai-je, perdant la tête, ce n'est pas moi qui suis là, je suis incapable de salir le sacré nom d'amitié. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je ne vous entends pas. Il y a un quart d'heure que je suis parti et que je me promène au bois. Là-dessus, j'accroche les récepteurs avec dignité et me voilà. Me voilà. Maudite invention que ce téléphone, sans lui et ce Flampin. M'ouvrir le ventre avec un sabre chinois, bah. Pourquoi pas une torpille? Si ma pauvre mère savait cela, moi qui n'ai qu'elle pour me soutenir. On sonne et on lui donne un télégramme. Un bleu, l'écriture d'Olympe. Au public. Vous permettez? Il lit. Mon chou, viens dîner ce soir. Tout est arrangé, apporte le dessert. Il retourne le télégramme. C'est bien son écriture. Il y a même une faute d'orthographe. Trois R à arranger. C'est l'émotion. Bon, Flampard. Ça va me faire plaisir de le revoir, un si vieil ami. Mais c'est égal, je me demande ce que Olympe a bien pu lui dire. Il sort en disant Ah, oh, les femmes, les femmes. Fin de Allô, c'est moi, Edgar.